Émission hors série, histoire 4. Bonjour et bienvenue à cette émission hors série de notre podcast. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous présente la quatrième partie de l'audiolivre sur la paroisse de Saint-Camille, en Estrie, au Québec, publié en 1908. Mon grand-père et mon arrière-grand-père Martin y sont nés. La dernière fois, en introduction, nous avons exploré la présence de mon arrière-grand-père à Saint-Camille. Aujourd'hui, nous explorerons celle de mon grand-père, Fernand Martin. Fernand naît à Saint-Camille dans le rang 13 le 22 juillet 1887. Dès le lendemain, il est baptisé à l'église de la paroisse. À ce moment-là, il est l'unique survivant des enfants mis au monde par sa mère. L'année suivante, s'ajoutera sa sœur Viviane. Les enfants suivants décéderont tous en bas âge ou à la naissance à Saint-Camille. Il est intéressant de noter que l'on mentionne dans l'acte de baptême de Fernand que son père n'assiste pas à la cérémonie. Ses parrains et marraines sont Delphis Bonhomme, son oncle maternel, et Léo Cadivigneux, l'épouse de ce dernier. Fernand est grandi à Saint-Camille, fréquente l'école Durand, puis à 22 ans, en 1910, il est fiancé à une jeune femme de Saint-Georges-de-Windsor, Marie-Anne Thibault, qu'il marie le 4 avril 1910, après avoir acheté de François, son père, les lots 67 des rangs 4 et 5 de Saint-Camille pour 2 500 $, qui sera payé comme suit. 100 $ le 1er novembre 1910, et même somme, à la même date, par chaque année suivante, jusqu'au dernier paiement, le tout sans intérêt, excepté après échéance à 6% l'an. Le vendeur s'est réservé le droit de demander la résolution de la présente vente, faute par l'acquéreur d'en payer le prix. Par le recensement de 1911, on apprend que Fernand et Marianne sont à Saint-Camille, voisins de la famille de François-Cléophas Gingras et de celle de François-Xavier Bachand, et qu'ils hébergent Marceline Desrosiers, une sœur de la grand-mère Bonhomme de Fernand. Le 4 septembre 1911, Fernand revend à François, son père, qui est de retour des États-Unis, le lot 67 du rang 5 pour 1 000 $. Le 16 novembre, sa mère décède à Saint-Camille. En mai 1913, mon grand-père assiste au mariage de sa sœur, Viviane, avec Louis Coutu à Saint-Camille. Les années passent. Le couple Fernand et Marianne n'ont pas d'enfants. Ils n'en auront jamais. En février 1917, Fernand revend à son père le lot 67 du rang 4. Il a sans doute besoin d'argent. En mai, Marianne décède à Saint-Camille. Elle a 29 ans. Au mois d'août suivant, Fernand, veuf, devient nouveau propriétaire à Saint-Camille en acquérant le lot 1 du rang 13. Le 20 janvier 1919, il épouse ma grand-mère, Emma Filiot, à Amsud, un hameau voisin. En mars 1920, son beau-frère, Louis Coutu, meurt à Saint-Camille. Puis, au cours de 1920 et 1921, Fernand s'endette affreusement en achetant des terres dans le rang 6 d'abord, puis dans le rang 13. Il perd tout en 1922. La famille quitte Saint-Camille à jamais. Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. Deuxième partie, chapitre 1. Établissement religieux de la paroisse, les missionnaires, les curés, etc. La mission, la première messe. 10 acres de terre donnés par le gouvernement. Le numéro 52 acheté par la propagation de la foi. Monsieur, je suis sur le point de conclure avec le gouvernement, par l'ordre de Monseigneur l'archevêque, l'achat du terrain de la chapelle de Garby et celui du township de Wotton. La seule chose qui retardera la conclusion de cette affaire sera le délai que mettra M. Letendre, l'arpenteur, à faire son rapport. Si vous avez occasion de le voir, pressez-le de mettre toute l'expédition possible dans son arpentage. Cette transaction a été commencée en avril dernier, et c'est pourquoi je me trouve encore obligé de m'en occuper. C'est la propagation de la foi qui fait les frais de cette acquisition. Le terrain demandé au gouvernement est décrit comme suit. Un arpent et 3/4 de front sur environ 10,5 de profondeur, étant la partie sud-est du numéro 52 du 11e rang, tenant par devant au nord-ouest du chemin de Wotton et au restant du lot numéro 52. Par derrière, au sud-est, au 10e rang de Wotton, d'un côté au sud-ouest au lot numéro 51, et de l'autre côté au nord-est au lot numéro 53. 10 acres seraient donnés gratuitement, et l'œuvre de la propagation de la foi demande à acheter toute la partie sud-est du lot numéro 52 du 11e rang, qui ne serait pas comprise dans l'octroi gratuit. Ces applications ont été accueillies favorablement par le commissaire des terres. Il ne manque plus qu'un rapport de l'arpenteur dans le même sens. Si vous avez quelques observations à faire, vous serez le bienvenu. Je serai toujours prêt à vous rendre des services en mon pouvoir. Croyez-moi bien sincèrement, etc. Ce qui précède est le premier et le plus ancien document. Je le donne tel que je l'ai trouvé. C'est une lettre anonyme. Les documents relatifs à la formation de cette paroisse sont si rares qu'ils deviennent importants. C'est pourquoi je le citerai en entier. Monsieur l'abbé Georges Duhaut, premier missionnaire, 1853-1857. 2 ans après l'arrivée du premier colon, en 1850 par conséquent, on trouvait 12 familles résidentes dans les limites de la petite paroisse de Saint-Camille, et ces colons prévoyaient qu'avant longtemps, ils pourraient en compter 70 à 72. Un grand nombre de lots de terre étaient achetés et les propriétaires venaient les uns après les autres les occuper. Les prévisions se réalisèrent en moins de 3 ans et dès 1852, il fallut songer à une organisation de paroisse. En 1853, au moyen de souscriptions volontaires et sous la direction de leur missionnaire, M. l'abbé Duhaut, les habitants construisirent une chapelle en bois de 30 pieds par 25 pieds. Cette première chapelle fut érigé sur le 42e lot du 12e rang, sur un emplacement d'un arpent et demi de largeur par 3 arpents de profondeur, cédé par acte le 2 mars 1855 à M. Thomas Cook, évêque des Trois-Rivières, par André Martin, qui fut le premier bedeau. Il avait reçu le lot gratuitement du gouvernement du Québec. L'enregistrement de ce don n'a été fait au bureau de Hamsud que le 9 décembre 1867, alors qu'il semblerait s'être élevé une contestation, puisque le révérend Georges Duhaut, curé à la paroisse de Saint-Stanislas dans le temps, a dû faire serment devant un magistrat que André Martin avait donné ce lopin de terre à Mgr Cook. La chapelle, construite par corvée, fut terminée en octobre, et dès lors, M. l'abbé Duhaut, curé de Wotton, y célébra la Sainte-Messe. Ce fut le commencement de la desserte régulière. Outre sa paroisse et la mission de Saint-Camille, M. Duhaut avait à desservir Saint-Georges de Windsor, Saint-Joseph de Ham, Weedon et Stratford. On peut juger du mérite de ce digne prêtre qui ne faillit jamais à sa tâche dans un si grand parcours et avec des communications difficiles. M. l'abbé Duhaut ne fut pas le premier prêtre qui visita la mission de Saint-Camille. Hamsud était ouvert à la colonisation depuis 5 ans. Les colons avaient entendu la messe plusieurs fois dans la maison de Benjamin Lachance et de Joseph Dion, le révérend M. Bégin, venant de Lac-Aymer, donnait de temps en temps la mission. Mgr Cazot, grand vicaire à Québec, aurait aussi visité ces lieux pendant que les arpenteurs mesuraient le terrain pour la première fois en vue de la colonisation. Il aurait assigné la place de la première chapelle sur le lot numéro 52. Il y eut là un cimetière, mais jamais de chapelle. M. l'abbé Duhaut desservit la mission pendant 6 ans et il eut des démêlés avec la population de Ham-Sud au sujet de l'emplacement de la chapelle de Saint-Camille. Chapitre 2. M. l'abbé Hilaire Casimir Hamelin, deuxième missionnaire. 1857-1867. Difficulté pour l'emplacement de la chapelle. M. l'abbé H.C. Hamelin succéda à M. l'abbé Duhaut au mois d'octobre 1857. Comme lui, il dut desservir Saint-Camille. En entrant en fonction, il épousa sa cause. Sa mission, toutefois, outrepassait celle de son prédécesseur. Il avait à rétablir la paix avec les gens de Ham-Sud qui continuaient à disputer le site de l'église aux paroissiens de Saint-Camille. Les lettres adressées à Mgr Cook témoignent qu'il y eut beaucoup d'excitation dans leurs disputes et que les difficultés, commencées sous M. l'abbé Duhaut, durèrent encore 8 ou 9 ans. Les paroissiens de Ham-Sud voulaient une église près de la rivière du Moulin Barlow, sur le lot numéro 52, et cette église aurait servi pour Ham-Sud et Saint-Camille. La partie adverse voulait 2 églises, l'une pour Ham-Sud et l'autre pour Saint-Camille. Voici les raisons données par chaque partie en faveur de l'une ou de l'autre. Je les retrouve dans les lettres adressées à Mgr Cook, évêque des Trois-Rivières. Saint-Camille, Ham-Sud, Township de l'Est. À sa grandeur, Mgr Cook, évêque des Trois-Rivières. Monseigneur, permettez à l'humble sous-signé de vous exposer la conduite injuste que tient la presque totalité des habitants de Wharton vis-à-vis ceux de Ham-Sud. Ce qui suit sont les faits que j'ai à vous exposer. Je parle tant en mon nom qu'au nom de mes concitoyens. Premièrement, la législature, dans sa sagesse, a jugé nécessaire de faire dans le comté un centre d'affaires pour l'avantage général. Les arpenteurs chargés par le gouvernement de trouver un site convenable, qui devait dans l'avenir être un centre d'affaires, trouvant dans Ham-Sud un pouvoir d'eau magnifique, ils arpentèrent 30 acres de terre au milieu desquels se trouvait le pouvoir d'eau et qui serait la propriété de celui qui bâtirait, sous 12 mois du jour de prise de possession, un moulin à farine et un moulin à scie. Cet homme n'a pas tardé à se présenter et nous avons ces moulins. En même temps, les arpenteurs mesurèrent 50 acres de terre donnés par le gouvernement pour y faire église, presbytère, école, cimetière, etc., etc. Et le reste de ce terrain restait à être exploité au bénéfice du curé. Ensuite, les arpenteurs, toujours par ordre du gouvernement, mesurèrent un grand nombre d'emplacements divisés par des rues droites et larges. En un mot, le tout était arrangé de telle sorte que ça promettait de devenir en peu d'années une jolie petite cité. Aujourd'hui, que la législature a voté 400 louis pour construire une cour de justice dans le centre du comté, c'est encore Ham-Sud qui est le centre, de sorte que dans cet endroit, ce serait établi marchand, médecin, notaire, avocat et les hommes des différents métiers, ce qui aurait fait un grand centre de population qui serait devenu un grand débouché pour les produits des habitants du comté. De plus, Monseigneur, cette place d'église dont je vous ai parlé plus haut a été, par ordre de l'archevêque, avant la division du diocèse de Québec, a été, dis-je, visitée par Mgr Cazot, qui a approuvé les vues sages du gouvernement. Il, Mgr Cazot, a marqué sur les 50 acres de terre la place où devait être construite l'église. Alors, étant bien certain que nous aurions l'église dans cet endroit, nous avons même commencé à défricher le terrain. Tous les missionnaires qui sont venus nous visiter avant l'arrivée du révérend M. Duhaut ont reconnu l'importance de l'endroit. Deuxièmement, après l'arrivée de M. Duhaut, par un revirement dont je ne puis m'expliquer la cause, la chapelle a été construite 2000 plus dans le centre de Wharton. Encore, M. Duhaut, aider des habitants du lieu, l'a-t-il placé sur un très mauvais terrain. Ce n'est que galets. Pour enterrer nos morts, il faut aller chercher de la terre ailleurs, tandis que dans la place marquée par l'archevêque de Québec, il y a une très belle place pour y faire un cimetière. Il y a beaucoup de terre. Vous pouvez croire, Monseigneur, qu'étant intéressé, je puisse vous déguiser la vérité. Je vous prierai de vouloir bien écrire à ce sujet à l'honorable commissaire des terres de la Couronne, et s'il se donne la peine de consulter les registres du temps que les townships de Ham et de Wotton ont été arpentés, vous verrez que par les ordres donnés par le gouvernement aux arpenteurs et par les rapports de ces messieurs, tous mes avancées sont très véridiques. De plus, si vous voulez bien écrire à l'archevêque de Québec, M. le grand vicaire Cazot vous prouvera, pièce authentique en main, la vérité des faits que j'avance. Monseigneur, laissant faire les choses telles qu'elles sont commencées, nous aurons dans un endroit les moulins à farine, dans un autre la cour de justice, dans un autre l'église. Tous ces édifices, à grande distance les uns des autres, le comté n'aura jamais aucune importance, tandis qu'en construisant ces édifices dans un même lieu, la paroisse prendra une grande importance qui servira non seulement les intérêts de quelques-uns, mais les intérêts de tous les habitants. Je pense bien, Monseigneur, qu'après avoir pesé tous les faits contenus dans la présente, vous reconnaîtrez la justice de ma demande. Quoique tard, il est encore temps de réparer le mal qui a été fait en voulant bien marquer la place de l'église sur les 50 acres de terre donnés par le gouvernement pour cette fin, près des moulins. Pardonnez, Monseigneur, si je suis aussi long, mais mon désir était de vous expliquer les faits dans toute leur vérité. Je suis, Monseigneur, votre très humble et obéissant serviteur, cultivateur de Ham-Sud et premier colon de l'endroit. Monseigneur des Trois-Rivières prit cette lettre sous considération et écrivit au curé de Wotton. La réponse ne se fit pas attendre. La chose était claire pour les adversaires des paroissiens de Ham-Sud. La population de Saint-Camille, qui augmentait de jour en jour, qui se dirigeait vers le sud et le sud-est, n'entrait pas du tout dans les vues de Ham-Sud. Ils n'avaient pas non plus foi en leur projet d'avenir. M. l'abbé H.C. Hamelin écrivit à Mgr Cook. Monseigneur, j'arrive de Québec, étant parti de Wotton pour les Trois-Rivières. Et rendu là, j'ai craint de ne pas rencontrer votre grandeur à Trois-Rivières, vu le service de Monseigneur de Saint-Hyacinthe. C'est la raison du retard de cette réponse. D'abord, au sujet des affaires de Saint-Camille, je me contenterai de dire les choses telles que votre grandeur l'exige. La lettre de Ham-Sud demande, quoiqu'elle crie à l'injustice, l'église à un bout de la paroisse, n'ayant d'un côté que 11 familles et de l'autre au-dessus de 90. Belle justice! Tous ces plans d'agrandissement et d'importance pour l'avenir sont des châteaux en Espagne. Dans tous les cas, si c'est Saint-Camille qui est le centre du comté, quelques familles plus loin ne feront rien. La dite lettre parle aussi de la distance si, dans tous les cas, l'église venait à l'équerre. Les habitants de Ham-Sud les plus éloignés n'auraient que 7 000 tout au plus. Je suis d'accord avec ce qu'il dit quant aux difficultés qu'il y a pour enterrer les morts à l'ancienne chapelle. À la place demandée par le cultivateur de Ham, elle se trouverait à avoir pour voisin un protestant, sans autre voisin, si ce n'est à la distance d'une quinzaine d'arpents. Ham-Sud, comme il l'appelle, s'établira avant longtemps, ce qui obligera une nouvelle mission. Les habitants de la Pointe-Lévis ont pris près de 400 lots de terre. Plusieurs, déjà, sont rendus et d'autres sont sur le point de s'y rendre. Ils ne se trouvent pas dans la même direction que l'auteur de la lettre. Ils se trouvent en arrière de Saint-Hippolyte de Wotton et, par conséquent, assez loin de M. Dion et autres. Mon opinion est que l'église ne devrait pas être placée là parce que c'est loin d'être le centre de la population. Je vous envoie aussi le plan de Saint-Camille, pris sur le plan fait par le gouvernement. Dans Stoke, voisin de Saint-Camille, le terrain n'est pas pris. Dodwell est occupé par les Américains. Ham aura peut-être plus tard un peu plus de catholiques dans la direction de M. Lachance. Aujourd'hui, il y a là beaucoup d'Américains. Le plan que je vous envoie est le même que votre grandeur a déjà vu. Je l'ai confronté avec le plan du gouvernement. Il est correct, si ce n'est la lettre J qui n'est pas dans le plan, car M. Lebel. Le reste est correct. Je prie bien votre grandeur en finissant. Si vous êtes disposé à faire des changements, de les faire le plus tôt possible. Je demande aussi en grâce de ne pas avoir à changer moi-même cette place, mais de vouloir bien déléguer quelqu'un des environs, ce qui pourrait éviter des petites misères pour plus tard. Je suis, Monseigneur, avec considération, votre obéissant serviteur, H.C. Hamelin, prêtre. Les raisons alléguées par les deux parties étant connues, il s'agissait de savoir où penchait la majorité. De là les requêtes. La première, en date du 20 mai, portait 72 signatures et suppliait sa grandeur, Monseigneur Cook, de transporter la chapelle au centre de la population à l'équerre, par conséquent son endroit actuel. Mais les paroissiens de Ham-Sud, confiants en leur raison, se récrièrent en dressant une requête opposée avec un nombre égal de signatures, 72. Les deux requêtes arrivèrent à Trois-Rivières en même temps, et si, comme le dit le révérend H.C. Hamelin, la lettre du premier colon de Ham à sa grandeur était inconnue des autres colons, la teneur de cette lettre, ou d'autres raisons semblables, ont dû être mises en avant pour obtenir 72 signatures en opposition. Il est facile de constater que plusieurs colons avaient signé les deux requêtes, donnant ainsi l'avantage aux citoyens de Saint-Camille. Monseigneur, j'ai reçu ce soir le recueil de Saint-Camille que j'expédie aussitôt. Votre grandeur recevra probablement aussi une requête des opposants demandant à ne pas changer à présent la chapelle. Ils veulent s'y prendre de toutes les manières. La lettre de l'individu de Ham à votre grandeur est, je pense, inconnue des autres habitants, quoiqu'elle dise parler au nom des autres habitants de Ham. En ne la changeant pas, il faudrait y faire des dépenses assez considérables, une sacristie assez vaste, pour y demeurer à mes missions. Je suis fatigué de courir 2000 pour loger. En deçà, on n'y trouve pas de place passable et encore moins convenable pour y loger. La chapelle étant fixée pour y rester, je ferai faire les choses nécessaires. Je suis avec respect, votre obéissant et dévoué serviteur, H.C. Hamelin, prêtre. Wotton, 22 mai 1860. Au lieu de se calmer, au lieu de s'apaiser, les paroissiens de Ham-Sud s'excitaient davantage. Aux raisons déjà données pour faire triompher leur cause, ils ajoutèrent des plaintes contre le curé de Wotton et firent instance afin que sa grandeur vînt elle-même sur les lieux. Monseigneur fit une assemblée à Ham-Sud. Il entendit les plaintes des opposants et s'en retourna sans dire un mot. Le résultat fut le changement de site pour la chapelle de Saint-Camille. On l'éloigna à 3000. On vendit l'ancienne chapelle et on en construisit une nouvelle à l'équerre. Presque en même temps, une mission fut ouverte à Ham-Sud. Il fallut donc cesser de réclamer et entrer chacun chez soi. À cette requête du 10 décembre 1866, il y eut une opposition signée par 54 francs tenanciers. Le révérend M. Gouin, de Saint-Pierre de Durham, fut député par Mgr Cook afin de vérifier la requête de la demande de l'érection. Voici le procès-verbal qu'il dressa. L'an 1866, le 13 décembre, à 10 heures du matin, en vertu de la commission en date du 9 octobre 1866, je, sous-signé, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Durham, me suis transporté auprès de la chapelle de Saint-Camille. Conformément à l'avis lu publiquement et affiché dimanche 25 novembre 1866 à la porte de la chapelle de Saint-Camille et dimanche le 2 décembre de la même année à la porte de l'église de Saint-Hippolyte de Wotton, ainsi qu'il appert par le certificat du sieur Zoël Miquelon, un des huissiers jurés pour la cour supérieure du district de Saint-François. Et le peuple étant assemblé près de la dite chapelle, conformément à l'invitation à lui faite par le dit avis, j'ai d'abord donné lecture à haute et intelligible voix de la dite commission, puis de la requête adressée au dit seigneur évêque des Trois-Rivières par les francs tenanciers de certaines parties du township de Wotton, Dodgewell, Stoke, en date du 8 juillet 1865, à l'effet d'obtenir une érection canonique de paroisse et procédant en présence de toute l'Assemblée à l'exécution de la dite commission, j'ai constaté, premièrement, que la dite requête, après en avoir retranché les noms de André Martin, qui a déclaré qu'il était maintenant opposé à l'érection de la dite paroisse, et de Georges Gagné, qui n'a aucune propriété dans la dite paroisse, était véritablement de ceux au nombre de 69 dont elle porte les signatures et les marques certifiées, et que ce nombre forme la majorité des francs tenanciers du dit territoire. Deuxièmement, que Joseph Boisvert, David Lemelin, Joseph Breton, Pierre Leblanc, dont les noms se trouvent également sur la requête en demande et sur la requête en opposition, ci-dessus mentionnés, ne se trouvant pas à l'Assemblée, ont été considérés par moi comme favorables à la demande d'érection jusqu'à preuve du contraire. Troisièmement, que les établissements les intéressés, y compris ceux qui se formeront dans la suite, comprennent une étendue de territoire d'environ 6,5 de front et d'environ 10,000 de profondeur, ce qui me semble un territoire assez vaste pour être desservi en une seule paroisse. Quatrièmement, que ce territoire se trouve borné comme suit, savoir au sud-ouest par le 13e rang de Stoke, au sud-est par le 8e rang de Dodswell, au nord-ouest par la paroisse de Saint-Hippolyte de Wharton, au nord-est par le township de Hampstead. Cinquièmement, que dans l'espace compris entre ces lignes, il se trouve 184 lots de terre de 3 acres de front sur 18 de profondeur et 26 autres plus grands de 3 acres de front sur 36 de profondeur et de plus 36 autres lots de 3 acres de front sur une profondeur inégale et 81 lots de 9 acres de front sur 1,000 de profondeur. Sixièmement, que de ce nombre de 227 terres, 130 sont concédées et 92 déjà habitées par autant de familles et que ces familles forment une population de 580 âmes et 350 communiants, lequel nombre ne peut qu'augmenter à proportion du défrichement tant des dites terres habitées que de celles qui ne le sont pas encore. Et à l'instant, il m'a été remis une opposition portant les signatures de 54 francs tenanciers, dont 9 ont été buffés comme étant les noms d'enfants mineurs ou de propriétaires non reconnus et dont la requête, si annexée, n'est libellée d'aucune raison tant soit peu légitime. De laquelle opposition ainsi que des dignes, réponses et allégations des requérants, j'ai dressé le présent procès-verbal de commodo et incommodo pour être rapporté aux dix seigneurs évêques et par lui régler ce que de droit. En fin de quoi, j'ai signé les jours et encres dessus. Pintégoin, prêtre. On peut supposer raisonnablement que la paroisse fut érigée canoniquement en 1867 par Mgr Cook, évêque des Trois-Rivières, puisqu'on ne trouve aucun décret d'érection canonique et qu'il n'en est plus question dans la suite. D'ailleurs, la nomination du premier corps de mariés en 1868 confirme cette supposition. D'un autre côté, les contestations n'étaient pas terminées au sujet de l'emplacement de l'église. Placer l'église à l'équerre n'était pas du goût de tous les paroissiens. Le dixième rang trouvait qu'on était injuste en ne donnant pas droit à leur réclamation, et celle-ci voulait que l'emplacement de l'église, pour être central, fut dans le milieu du dixième rang. De là, nouvelles disputes, nouvelles instances auprès de l'évêque des Trois-Rivières, nouvelles requêtes adressées à sa grandeur. Les intéressés ne reçurent point d'autre réponse qu'un avis par le révérend M. Gouin, curé de Durham. Avis. À tous ceux qui peuvent être intéressés dans la construction d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie dans la paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, district de Saint-François, vous êtes avertis que jeudi, le 7 novembre prochain, je, sous-signé, prêtre et curé de la paroisse de Saint-Pierre-le-Durham, me transporterai en la dite paroisse de Saint-Camille, au lieu communément appelé l'équerre, pour une commission spéciale de Mgr l'évêque des Trois-Rivières, et en conformité de la décision par moi prise à cet effet le 5 septembre dernier, pour ce qui concerne l'érection d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie, conformément à une requête en date du 23 avril 1867, présentée à cette fin à sa grandeur par les francs tenanciers de cette paroisse. En conséquence, tous ceux qui se croient intéressés pour ou contre la construction des dites nouvelles églises et sacristies sont requis de se trouver le 10 jours ou 10 lieux ci-dessus indiqués à 9h30 du matin. J.P. Gouin, prêtre, Saint-Pierre de Durham, ce 24e jour d'octobre 1867. Il fallait se rendre. Les deux parties devaient se rencontrer pour pérorer sur la situation. M. l'abbé Gouin vint, suivant l'avis qu'il en avait donné, et fit ainsi le procès-verbal de l'Assemblée. L'an 1867, le septième jour du mois de novembre, à 9h30 du matin, en vertu de la commission à moi donnée par Mgr Thomas Cook, évêque des Trois-Rivières, la dite commission en date du mois de juin de la présente année et en conformité de la décision par moi prise le 5 septembre dernier, je sous-signé prêtre et curé de la paroisse de Saint-Pierre de Durham, me suis transporté dans la paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, district de Saint-François, au lieu communément appelé l'Équerre. Conformément à un avis lu publiquement et affiché dimanche le 27 octobre dernier, à l'issue du service divin du matin à la porte d'une église Saint-Hippolyte de Wharton, et dimanche le 3 novembre dernier, à l'issue du service divin du matin à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Camille, ainsi qu'il appert par le certificat signé du Seigneur François Saint-Jean, et le peuple étant assemblé au sudit endroit en conséquence de l'invitation à lui faite par les dits avis, j'ai d'abord donné lecture à haute et intelligible voix de la dite commission, etc. J'ai constaté, premièrement, que la dite requête était véritablement de ceux au nombre de 59, dont elle porte des signatures ou les marques certifiées, et que ce nombre forme la majorité des francs tenanciers de cette paroisse de Saint-Camille. Deuxièmement, que l'église et la sacristie de la dite paroisse que j'ai soigneusement examinée ne sont plus, à raison de leur vétusté, susceptibles d'être réparées, et que la dite église est d'ailleurs trop petite pour la population qui la fréquente des jours consacrés au culte. Troisièmement, en conséquence, la construction d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie dans la dite paroisse est devenue nécessaire. J'ai de suite, en vertu de la dite commission et en présence de la dite assemblée, cherché et examiné le local le plus convenable pour les dites nouvelles églises et sacristies, et après mûres délibérations et consultations, j'en ai fixé l'emplacement sur le lot numéro 19 du 11e rang du township de Saint-Camille, à environ 3/4 d'arpent du chemin de front et à environ 1/2 arpent de la route dite du 10e rang, le portail de la dite église devant regarder le sud-ouest. J'ai arrêté de plus que la dite église, qui sera construite en bois, aura environ 60 pieds de longueur et environ 40 pieds de largeur et 18 pieds de hauteur au-dessus des lambourdes, et que la dite sacristie aura environ 20 pieds de longueur et 18 pieds de largeur et 10 pieds de hauteur entre les deux planchers finis, etc. Pégouin, prêtre, curé. Le curé de Durham annonçait à Mgr des Trois-Rivières, par une lettre accompagnant le procès-verbal ci-dessus, un règlement de la difficulté, sinon un apaisement complet. Monseigneur, conformément à vos instructions, je me suis dernièrement transporté à Saint-Camille. Après avoir entendu par deux fois les intéressés et leur avoir fait discuter la question à son mérite, j'ai dû arrêter un choix par rapport à l'emplacement des nouvelles églises et sacristies. J'ai lieu de croire que, tout mûrement pesé, cette détermination conciliera la plupart des intérêts en jeu et ralliera le plus grand nombre des intéressés à la construction de ladite chapelle, etc., Pégouin, prêtre, curé. M. l'abbé H.C. Hamelin voyait donc se réaliser le projet qu'il avait formé de construire une nouvelle chapelle à l'Équerre. L'opposition des paroissiens de Ham-Sud et du 10e rang de Saint-Camille n'avait qu'excité son ardeur pour faire triompher la bonne cause, et toujours les paroissiens de Saint-Camille lui ont témoigné de la reconnaissance pour les avoir retirés de l'impasse où les plaçaient les fallacieuses prétentions de deux ou trois intéressés. M. l'abbé Hamelin avait tout droit à l'amitié de ses paroissiens, et ceux-ci ont toujours su la lui prodiguer. Actif, dévoué, doux, affable, il ne disait que du bien de tout le monde. Sa paroisse était une excellente population, ses voisins étaient de bons voisins. C'était le dire de son cœur qui était bon. Et sa vie a toujours été la même des 46 ans qu'il a été à Wharton. Il est décédé le 23 janvier 1903. Vétéran du sanctuaire, il a été nombre d'années un des doyens du clergé de Sherbrooke. L'oublierons-nous? Il avait un don particulier pour faire régner la joie au milieu de la célébration de ses fêtes. Le 14 janvier 1901, plusieurs confrères étaient invités de la part des paroissiens de Wharton pour fêter le 70e anniversaire de sa naissance. La fête fut grandiose. Les paroissiens, unis aux dames religieuses et aux élèves du couvent, souhaitèrent à leurs bienfaiteurs de belles et nombreuses années et rappelèrent à son souvenir les bienfaits passés. L'adresse présentée à cette occasion par les paroissiens est un document pour l'histoire des cantons de l'Est. Elle résume en quelques mots les plus belles pages de l'histoire de Wharton. La lecture de cette adresse fut couverte d'applaudissements. Un fait merveilleux y est relaté, entre autres. Citons-le de mémoire. Après quelques semaines de sécheresse, en un certain printemps, le feu prit à des abatis de branches faits à proximité du village. Le danger était imminent. À moins d'un miracle, les édifices publics et les habitations allaient être consumés en un instant. On alla prévenir M. l'abbé Hamelin, qui vint rassurer la population en disant qu'il n'était pas possible que Dieu permît un aussi grand malheur. « Priez !» leur dit-il. On pria. Aussitôt, le feu prit une autre direction. En s'éloignant, il s'éteignit. M. le curé sut y répondre avec bonheur. « Je vous remercie, » dit-il, « de la belle adresse que vous me présentez ce soir. » Je vous connais assez pour savoir que vous n'avez que de bons sentiments à mon égard. Vous m'adressez des louanges que je ne mérite pas. Je n'ai fait pour vous que ce que mon devoir m'obligeait à faire. Lorsque je suis devenu curé de votre paroisse, j'ai trouvé une terre bien préparée et je n'ai fait que l'ensemencer. Si cette semence a produit des fruits abondants, c'est dû à la fécondité de la terre et non à votre curé. Quant aux faits extraordinaires que vous m'attribuez, je ne puis m'en glorifier. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais mis le feu ni de l'avoir éteint. J'accepte le précieux cadeau que vous m'offrez. Recevez en retour mes sincères remerciements. » La simplicité, la sincérité et l'humilité caractérisaient hautement l'excellent curé de Wharton. Chapitre 3. La deuxième chapelle. 1869, à l'Équerre. Malgré toute opposition, la chapelle fut donc construite à l'endroit nommé l'Équerre, sur les quatre arpents de terre donnés par M. Onésime Geoffroy. Le lieu choisi était au fond du roc solide, recouvert d'humus avec une couche de terre plus ou moins profonde. Les joncs y poussaient avec la fougère, les tremples, les boulonnais et les taillis de baies. Partout sur ces lieux, on voyait des cailloux en granit gris ou en pierre bleue qu'on dirait avoir été entassés pour des constructions de palais antiques. Les arbres feuillus de toutes les variétés et de toutes les dimensions étaient verts et beaux. Avec un site comme celui-là, Phébus et Phébé n'auraient désiré que l'apparition des fées aux doigts roses de l'île célèbre pour construire en un jour des temples aux dieux. Il n'en fallait rien dire aux habitants d'ici qui vivent de la vie réelle. Les mythes les font rêver comme toutes gens d'ailleurs, mais leurs habitudes sont de prendre la scie, la hache et le marteau quand ils travaillent. Ne leur parlez ni d'architecte ni d'architecture, vous les feriez sortir d'eux-mêmes. Dites-leur de changer de manie quelquefois, la meilleure conférence ne saurait les convaincre. Les meilleurs charpentiers de la paroisse se mirent à l'œuvre, leurs plans dressés. Un carré de maison avec toit ordinaire, un tuyau pour cheminée, quelques châssis, une porte, voilà la chapelle. Elle a 40 pieds par 27 pieds et elle contient 64 bancs. La construction a duré près de 6 mois par corvée. Le 3 janvier 1869, le révérend M. Hamelin en fit la bénédiction et célébra la Sainte-Messe. Le cimetière adjoignant à la chapelle fut béni le 9 du mois d'août de la même année par le même curé de Wharton, desservant la mission de Saint-Camille. Le site des édifices religieux définitivement fixé, il n'a plus été question de changement. Mais le dernier mot d'organisation n'était pas dit. Saint-Camille perd son titre de mission et prend celui de paroisse, avec M. l'abbé Venant-Charret pour premier curé. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, lu par Christian Martin. La musique est puisée dans le folklore québécois et appartient au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. Comme dans les éditions précédentes de ces émissions hors-série à caractère historique,

La dernière mention du patronyme Mousseau rencontré à ce jour dans la réalisation de la version audio du Progrès de l'Est se trouve dans la rubrique « Notes de la rédaction » de l'édition du 22 septembre 1883. À propos de la grande assemblée politique tenue l'autre jour à Jacques-Cartier, M. Jones fait un résumé piquant des discours de la journée. Voici la substance de ce que chaque orateur a dit, et il lui a fallu 2 heures pour débiter sa harangue. M. Chapelot. Ce pauvre Mercier est un voleur de grand chemin, un faiseur de tours de passe-passe, un menteur. Belle-Rose est un fin voleur qui vendait sa papeterie parlementaire. Trudel est un âne pompeux, et Beaubien, un imbécile. M. Mousseau. Mercier est un menteur et un faiseur de chantage, un escroc et un lâche. M. Mercier. Chapelot est un gibier des grands chemins, un voleur public, et Mousseau est un ingrat, un imposteur, une nullité comme homme d'État et un corps sans âme. M. Tarle, ex-MPP. Toutes choses qui sont littéralement vraies. Notre spirituel confrère ajoute, et l'assemblée se dispersa à l'air de « Vive la Canadienne », les gens s'en allant avec les mêmes connaissances que celles qu'ils avaient déjà, touchant les matières en dispute. Québec est sauvé. Il faut avouer qu'il y a dans ce tableau plus de vérité que de poésie. À propos de cette assemblée, le seul compte-rendu qui nous a paru impartial est celui du Sorellois. Le rédacteur de ce journal, tout conservateur qu'il soit, a eu le courage de dire la vérité. Il a écrit que les deux partis étaient à peu près d'égale force et pouvaient réclamer la victoire avec autant de raison l'un que l'autre. Au reste, dit-il, cela ne tirait guère à conséquence, attendu que la masse des auditeurs était des étrangers venus de toutes les parties de la province. Savez-vous qu'il faut beaucoup de grandeur d'âme aujourd'hui, dans la politique, pour dire la vérité? Pour le volet purement historique que l'on peut tirer d'un journal comme Le Progrès de l'Est, je vous présente, tiré de l'édition du 1er septembre 1883, un article intitulé « La loi du repos ». Vous savez, ces vacances d'été que tout le monde prend de nos jours, eh bien, elles n'ont pas toujours existé. En 1883, aux États-Unis, c'était la première fois qu'une majorité de citoyens quittaient les villes en masse pour partir en vacances. Dans quelques jours, la plus grande partie des personnes qui avaient changé de domicile pendant les grandes chaleurs de l'été sera de retour à la maison pour reprendre les occupations habituelles. Cette année, beaucoup d'Américains, et spécialement ceux qui ne sont ni riches ni pauvres, ont profité de la saison du repos pour la première fois. Les grandes cités ont été désertées pour la campagne, les montagnes et les bords de la mer. Toutes les places de rendez-vous d'été ont été très fréquentées. Les hommes d'affaires étaient sur les rochers, le long du littoral, sous les arbres des fermes ou gravissant les flancs des montagnes, car dans la ville, la vie sociale, intellectuelle et commerciale avait pratiquement cessé. Cet état de choses, sans être nouveau, ne constitue pas moins un fait social d'une portée significative. On a déjà fait l'observation que le physique de l'Américain portait des traces d'un travail trop assidu. Partout, on est frappé du nombre de figures qui ont des rides précoces, du nombre de personnes, relativement jeunes encore, ayant des cheveux blancs, provenant de l'affaissement nerveux provoqué par le poids des affaires, ou du nombre d'amis et connaissances qui se sont, ou tués par l'excès de travail, ou rendus incapables de travailler, et obligé de passer de longues années dans le repos pour recouvrer la santé. On remarque aussi que, quand l'Américain se livre à la récréation, il lui manque la gaieté voulue et nécessairement requise pour s'amuser dans le vrai sens du mot. C'est ce qu'un grand nombre de personnes comprennent parfaitement, ou, pour nous expliquer en d'autres termes, c'est ce que la nature s'est chargée de faire en avertissant les personnes intelligentes qu'elle exigeait un changement. Actuellement, les résultats viennent d'être atteints pour permettre d'affirmer que la vie de la population intelligente des États-Unis est entrée dans une phase nouvelle. Mais cela n'est pas pour modérer la marche précipitée des affaires, c'est seulement un changement dans le mode de travailler où l'entrée du repos a été admise comme nécessaire. Il n'est pas possible que l'Américain puisse retourner en arrière et remettre en pratique les moyens lents dans les affaires. Toute notre organisation sociale, commerciale et industrielle se meut avec rapidité, et pour réussir, un chacun doit s'y conformer. Mais ce travail rapide ne nuit pas s'il est suivi du repos réel et bienfaisant. Voilà qui commence par devenir le règlement à l'ordre du jour. On est tombé d'accord que toutes les affaires, excepté celles qui concernent la vie de chaque jour, doivent se ralentir pendant les mois de juillet et d'août. On ne fait presque plus rien nulle part, et même la nomination des candidats comme gouverneur du Massachusetts végète dans le statu quo jusqu'au retour au logis des hommes politiques. Il y a 10 ans qu'il n'était pas question de repos quelconque. L'homme se rendait à ses affaires tous les matins et s'en revenait chaque soir, travaillant ainsi tous les jours ouvrables de l'année. Mais, par la précipitation des affaires et leur augmentation constante, il en est résulté une compensation dans les arrangements pour le repos, affectant l'individu et étendant son contrôle sur la société en général. Malgré tout ce que l'on pourra dire, quelqu'un a prêché l'évangile du délassement aux Américains, où ils ont cédé à la voix de la conscience pour arriver à un changement qui s'étend, pour ainsi dire, à tout le pays. C'est maintenant une de nos maximes sociales que le travail réel d'une année doit s'effectuer en 6, 8 ou 10 mois. L'Église est d'accord, les cours de justice et les établissements d'instruction publique aussi. Les arrangements de la société et l'ordre des affaires se basent sur cet état de choses. Avec le 1er septembre, des milliers d'hommes reprendront la lutte des affaires et de l'existence professionnelle, et des centaines de milliers retourneront à leurs travaux journaliers avec une intelligence plus vive, un estomac plus vigoureux, une tête moins lourde, une constitution plus flexible et la conscience du savoir qu'il y a plus de bonheur dans la vie de l'homme que les rêves de la philosophie font généralement entrevoir. L'élément qui constitue la société moderne est la haute pression et sans elle, il n'y a pas de travaux rémunératoires. Le but de la vie aujourd'hui ne diffère pas de celui des anciens. On travaillait dans les anciens âges pour acquérir du repos. Le même idéal de la vie est pris en considération aujourd'hui. C'est une grande chose que d'avoir régularisé le travail et les affaires. Avec un arrêt partiel des affaires à haute pression, une des grandes difficultés de la vie américaine a été vaincue. La question est maintenant de savoir comment faire pour le mieux, car, quoique nous commencions à comprendre le problème, nous sommes encore loin de sa solution. Ce que l'on exige aux États-Unis, à l'heure actuelle, sont des hommes qui savent vivre avec sagesse et à même d'apprendre à leurs voisins d'en faire autant. Celui qui, par son expérience, a acquis ce degré de développement, ne peut mieux faire que de vivre d'après ses connaissances en les communiquant à la société pour son plus grand avantage. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SensMap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, partiellement via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher et chez Radio H2O. Vous nous retrouverez également sur Twitter ainsi que sur Google+. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir audio.canalblog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Mortin. Et voilà, ainsi se termine cette émission hors-série du podcast des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.